Parmi la trentaine de pièces de théâtre écrites par Pierre Corneille, j'ai choisi de vous présenter quatre de ces pièces de loin les plus connues. Le Cid, Horace, Cinna et Polyeucte, écrites entre 1636 et 1642. La tragicomédie intitulée Le Cid nous ramène à la fin du XIe siècle, alors que la reconquête de l'Espagne contre les Arabes, ici appelés les Maures, bat son plein. L'action se passe à Séville, dans différents lieux. Après avoir accepté que sa fille Chimène épouse Don Rodrigue, le fils du vieux Don Diègue, le comte d'Angormas, furieux de voir que le roi Don Fernand ait choisi comme précepteur de son fils le vieux Don Diègue, le repousse dans sa demande en mariage, et pire, le comte vient de gifler Don Diègue qui reste seul en scène.